La queue du diable. Livre audio gratuit, un conte du bocage normand de Almagro. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org. Lecteur bénévole et charmante lectrice, je viens vous raconter une histoire qui vous semblera peut-être un conte, tant elle est invraisemblable, mais qui doit être vraie de tout point, car je l'ai tirée d'un recueil d'anciennes légendes, et je suis persuadé que le pieux anonyme qui nous les a transmises pour notre instruction et notre édification était un homme véridique, qui n'aurait jamais voulu compromettre le salut de son âme en cherchant à nous faire prendre les vessies pour des lanternes. La légende étant écrite dans un style vieillot et peu intelligible, je me suis dit qu'il serait utile de lui donner une forme plus jeune et de la traduire dans le style du jour. Et c'est ici qu'a commencé mon embarras. Quel genre de style devais-je adopter? Le genre sentimental, vaporeux et nuageux? Il est quelque peu démodé, et j'aurais ennuyé mes lecteurs qui ont bien assez de sujets d'ennui. Le genre réaliste? J'aurais fait rougir les dames. Un instant, je me suis arrêté à l'idée de recourir au genre décadent, aujourd'hui fort en vogue, et qui se glisse comme un serpent sous la prose fleurie de mains auteurs de talent. En mettant mon esprit à la gêne, je serais parvenu, moi aussi, à trouver de ces phrases péniblement niaises, de ces tours inattendus et de ces locutions extravagantes qui font les délices du décadent qui les écrit et causent aux profanes qui osent les lire un étonnement voisin de la stupéfaction. Toutefois, si séduisant que fût ce projet, j'ai dû y renoncer par crainte qu'on ne crût que je parlais charabia, ce qui m'eût profondément humilié. Tout bien pesé, j'ai pris le parti de revenir au chemin battu, qui est le bon, et de me servir du style pédestre, simple et uni, parlant comme tout le monde, pour que tout le monde me comprenne. Ceci dit, en guise de préface, j'entre en matière.